dans un ciel qui ne veut rien dire, dans un ciel couleur de ciel, mon espoir s'est vu prédire que ton rire serait cruel. Dans ce ciel pâleur de cire d'où les oiseaux sont tombés, ai-je eu si peur de te dire que mes yeux se sont mouillés. J'ai vu un soleil usé mettre du jaune à l'automne. J'ai vu un arbre paré de guirlandes qui s'étonnent. Tes mains ont tout déchiré dans un étang qui ne dit rien, un étang couleur d'étang. Ton sourire s'est-il éteint comme c'était un autre temps? Cette eau qui n'a pas coulé quand j'ai imité ma vie, cette eau n'a pas pu goûter les charmes de mon ami. J'ai vu un rouet défendu traîner sa dépouille vide à cause du fruit défendu qu'il vola d'une main avide. Ton rire a tout expliqué. Moi je vis par habitude, je ne m'en lasserai pas. J'ai perdu la certitude d'être le seul dans ce cas. Enfants fragiles jouer avec mon passé, j'ai cru revoir mon idylle, mais tout ça s'est effacé. Tes yeux ont tout embrouillé dans une chambre sans parole, une chambre couleur de chambre. J'ai des rires qui s'étiolent comme s'en vont tous les membres dans un miroir déchiré entre mon image et moi. J'ai cherché à te garder, mais tu n'es déjà plus là. J'ai vu un chien délavé mettre de l'ombre à ton ombre. J'ai cru pouvoir oublier, mais des gens sont venus en ombre. Seul toi tu n'as pu rester.